suis à court titre, là je roule un stick. Les gens pensent que je suis lunatique. Skip, t'as parlé mal de la clique. Tu bâtard, tu tombes à pic. Tiens, sans piste, tu te prends des nuques. Je suis tout le même book, je le cric. J'ai une moto couleur métallique. Un Y sur l'avenue des trois lucs. En ce moment, je suis à la Isti. Un dick BDH, c'est pas ici. Viens voir chez moi, gros, les gars, ils tirent. Dessus, y'a la crive, y'a la balistique. Et qu'est-ce qu'on s'en fout en fric? On restera les mêmes authentiques. Dans le bagage, même pas dans le chic. On est pas de chez qui t'astique. À skip, tu sais des choses fantastiques. Et tu veux pas me dire qui t'a dit? Laissez-moi dans ma bulle, le marcouler. Allez, me parlez plus, allez, je me saouler. Laissez-moi dans ma bulle, le marcouler. Allez, me parlez plus, allez, je me saouler. Elle m'a reconnu, elle se casse le cou. Elle me suit de partout. Elle crie du I love you. Elle m'en fout. Collé au cesse quand j'accélère. Elle m'a mis les nerfs. Je vais pas le faire. Je vers Saint-Pierre. C'est la crise de Jack. Posé dans la cave. On joue au cas. Y'a les flics pour cavaler. Mais c'est ce qu'ils donnent. C'est rien, c'est de qui donne. Fais gaffe si tu m'y donnes. Mais quand les gens ils te saucissonnent, même peu je pète un câble. Inexplicable, je me sens si seul. J'ai la boule au ventre, envie de frapper un tas de monter sur scène. Laissez-moi dans ma bulle. Dans ma bulle, le noir coulé. Allez, me parlez plus.